Chapitre 6. La crainte d'Allah. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. Sourate 3, verset 102. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Sourate 64, verset 16. Le second verset permet de comprendre le premier. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Sourate 33, verset 70. Les versets qui ordonnent de craindre Allah sont nombreux et bien connus. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate 65, versets 2 et 3. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli 'azim. Si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Sourate 8, verset 29. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux et notoires. 69. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, on demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, quel est le plus noble des hommes ?»« Celui qui craint le plus Allah, » répondit-il, alayhi salatu wassalam. « Ce n'est pas cela que nous voulons savoir, » dirent-ils. Alors, il s'agit de Joseph, Youssouf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, Jacob, lui-même fils du prophète d'Allah, Isaac, fils de l'ami intime d'Allah, Abraham. « Ce n'est pas non plus cela que nous voulons savoir, » dirent-ils. « Vous voulez peut-être connaître les meilleures tribus arabes ?» demanda-t-il. « Les meilleurs hommes avant l'islam, Jahiliya, sont les meilleurs en islam, dès lors qu'ils ont appris leur religion. » Al-Bukhari et Muslim. 70. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Ce bas monde est savoureux et verdoyant. Et Allah vous fera hériter les uns des autres, et il verra ensuite comment vous agirez. Prenez donc garde à ce monde et aux femmes, car elles constituèrent la première tentation des Juifs. » Muslim. 71. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam disait souvent « Ô Allah, guide-moi, aide-moi à te craindre, préserve-moi du péché, et fais que je me contente de ce que tu m'accordes. Allahumma, inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. » Muslim. 72. Abu Tarif Adi ibn Hatim Atayy, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Celui qui jure de faire une chose, puis s'aperçoit qu'une autre est plus pieuse, doit accomplir cette dernière. » Muslim. 73. Abu Umama Sudayy ibn Ajlan al-Bahili, radiallahu anhu, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire dans son prêche, prononcé lors du pèlerinage d'adieu, « Craignez Allah, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, observez votre jeûne du mois de Ramadan, acquittez la zakat sur vos biens et obéissez à vos dirigeants. Vous entrerez alors au paradis de votre Seigneur. » At-Tirmidhi le rapporte à la fin du chapitre sur la salat en disant « Hadith Hassan Sahih ».